les membres du groupe de visite dans la patrie des compatriotes coréens au Japon, conduit par Han Bong-fi, femme chef adjoint de département du présidium du comité central de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, sont arrivés le 10 août à Pyongyang par vol et ont déposé un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage.